Chapitre 4. Le docteur Golden, qui avait été averti, arriva à l'aube, sans attendre d'avoir assemblé son jury. Tout à coup, il aperçut Hammersmith qui se tenait devant une des portes de l'écurie. « Que s'est-il passé ? » cria-t-il, pendant que l'autre s'approchait rapidement. « Comment le faire a-t-il pris ? » ?»« Parce que j'étais dans la maison. Il leur fallait évidemment se débarrasser de moi à tout prix. Quand ils ont vu que sans doute les flammes m'épargneraient, ils ont tiré sur moi. Je porte sur le front la trace d'une balle. Mais Jake avait mal visé. « Jake, vous voulez parler du garçon de l'auberge ? C'est lui qui a tiré sur vous ?»« Oui, pendant que j'étais sur le toit en train de sauver une des femmes. »« Le misérable. Bien entendu, vous l'avez recherché et arrêté. Il est enfermé dans cette écurie. Et Kimby, qu'est devenu Kimby ? Il a disparu, ainsi que Madame Kimby, brûlée. »« Je ne le crois pas. C'est lui l'incendiaire, et elle est, sans aucun doute, sa complice. » Ils ont dû se mettre à l'abri. « Docteur Golden, ce n'est pas pour toucher l'argent de l'assurance qu'ils ont mis le feu à la maison, c'est pour cacher un crime. » Le coroner, plus ou moins préparé, parce que Hammersmith lui avait déjà dit la veille, ne parut pas surpris. Il demanda d'un air de doute. « Ainsi, vous tenez toujours à cette idée. » Hammersmith emmena le coroner à l'écart et, en quelques mots, lui fit part des événements de la nuit et des réflexions qu'il lui suggérait. Le docteur Golden écouta et parut enfin impressionné, surtout par un détail. « Ainsi, vous avez vu Kimby regardant dans la direction de votre chambre par une des fenêtres de l'écurie ?»« Je suis prêt à l'affirmer sous serment. »« Il va nous falloir mettre Jake sous les verrous, » reprit le coroner. « Que dit ce coquin ?»« Il paraît se désintéresser de ce qui est arrivé. Il ne croit pas que son maître et sa maîtresse aient péri dans les flammes. Nous allons voir cela. » Quand, quelques minutes plus tard, on lui amena le garçon dans une des pièces du rez-de-chaussée de l'auberge, le coroner devina que sa tâche de magistrat-instructeur ne serait pas aisée. Jake montrait le même calme que la veille et ne manifestait qu'un léger tremblement nerveux des membres, assez explicable en somme après une nuit aussi mouvementée. Le docteur Golden le regarda avec toute la sévérité voulue. « À quelle heure l'incendie a-t-il éclaté ? » demanda-t-il. Jake avait la voix dure, mais il l'adoucit sensiblement en répondant. « À peu près vers une heure. » « Je n'ai pas de montre, de sorte que je ne peux pas vous dire l'heure exacte. » « Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de savoir qu'il était environ une heure. Pourquoi étiez-vous complètement habillé à une heure du matin dans une auberge de campagne comme celle-ci »« J'étais de garde. Il y avait une morte dans la maison. »« Alors vous étiez à l'intérieur de la maison ?»« Oui. » Il s'exprimait avec quelque lenteur et un peu d'embarras, mais son regard se fixait droit sur le coroner. « J'étais dans la maison, mais pas au moment où le feu a éclaté. » Je me trouvais alors à l'écurie pour chercher un journal. Ma chambre est dans l'écurie. C'est la petite chambre qui est en haut, dans le grenier. Je n'ai pas trouvé le journal tout de suite et, quand je l'ai découvert, je me suis attardé à en lire quelques lignes. Je lis lentement. Et quand j'étais sur le point de regagner la maison, la fumée sortait des fenêtres du bâtiment d'arrière et je me suis arrêté, terrifié. J'ai mortellement peur du feu. Vous l'avez prouvé. Je n'ai pas entendu dire que vous ayez donné l'alarme. J'ai perdu la tête comme un imbécile. Voyez-vous, j'ai vécu ici pendant 10 ans et je n'ai pu supporter la vue de la maison en flammes. On ne me croirait pas si faible en voyant ses muscles. Et mettant son bras nu, il le regarda en secouant mélancoliquement la tête. Le coroner jeta un coup d'œil à Hammersmith. Évidemment, Jake voulait paraître plus sot qu'il n'était. Il ne s'agit pas de vos muscles, fit sévèrement observer le coroner. « Bornez-vous à répondre à l'interrogatoire. » Puis, considérant avec attention Jake, il lui posa une question qui semblait n'avoir aucun rapport avec les précédentes. « Où avez-vous laissé M. Kimby quand vous êtes allé dans le grenier ?»« Dans la maison. Il faisait ses comptes. » »« Alors comment se fait-il qu'il se soit penché à la fenêtre de votre chambre juste avant que l'incendie n'éclate ?»« Lui ?» La bouche de Jake s'affaissa. Ses fortes épaules plièrent. Mais cette dépression ne dura qu'un moment. Il se redressa et s'écria d'un ton de colère. « Qui a dit qu'il était là ?»« Monsieur Hammersmith, » répondit le coroner. Jake serra convulsivement les poings. « Il l'a vu distinctement, » répéta le coroner. Le visage de Monsieur Kimby est aisément reconnaissable. « S'il l'a vu, » rétorqua Jake avec une finesse inattendue, « c'est que les flammes étaient déjà hautes. On ne voit pas dans l'obscurité. Il a dû monter dans ma chambre après que j'en étais descendu. » C'est avant que l'alarme n'ait été donnée, avant que M. Hammersmith ne se soit hissé sur le toit par la fenêtre de sa chambre. C'est possible, monsieur, mais vous ne pouvez pas me rendre responsable des faits et gestes de M. Kimby. Une opiniâtreté de fer avait succédé à la niaiserie précédente de l'inculpé. Rien n'était plus redouté d'un juge d'instruction. Hammersmith se rendit compte des difficultés de la situation et d'un signe de tête désigna au coroner une porte qui ouvrait sur une chambre voisine. Le coroner indiqua d'un geste qu'il avait compris et modifia la nature de ses questions. « Jake, déclara-t-il, votre position est plus critique que vous ne le croyez. Vous êtes dévoué à Kimby, mais d'autres ne le sont pas autant que vous. Une nuit semblable à celle que vous venez de traverser éveille la conscience des femmes, si elle laisse insensible celle des hommes. L'une de celles qui vivent ici a vu la mort de près. Nous allons l'entendre. Faites-la entrer, monsieur Hammersmith. Je crois que la vue de cet homme la rendra bavarde. » Jake ricana. Mais Hammersmith, se dirigeant vers la porte mystérieuse, l'ouvrit et laissa entrer Hulda. Cet air de bravade fit place à une expression très différente et il s'écria, moitié ironique, moitié tendre. « Eh bien, c'est ma fiancée. Que peut-elle avoir à dire, si ce n'est qu'elle a eu bien de la chance de n'être pas brûlée cette nuit ?» Le docteur Golden et le shérif échangèrent des regards anxieux. Ils ignoraient tout de la situation respective de Hulda et de Jake. La jeune fille avait cependant confié à Hammersmith qu'elle dirait des choses intéressantes, si elle était mise en prison de l'homme qui avait tiré sur lui pendant qu'il l'aidait à descendre du toit. Mais son indignation subsistera-t-elle devant le sourire insinuant avec lequel le rusé coquin attendait ses paroles? Oui, car ses yeux brillaient d'une façon menaçante et tout son être était tendu par une émotion violente. « Vous avez aidé à m'enfermer, » s'écria-t-elle en s'adressant à Jake. « Vous en avez sans doute assez de moi. Sinon, pourquoi avez-vous tiré dans ma direction? J'étais en train de m'échapper, » Jake dit vivement. « C'est Kimby qui a fermé votre porte. Il machinait quelque chose. Quoi? Je l'ignore. Je suis étranger à tout cela. » Cette affirmation parut produire quelque effet sur Hulda. Les regards fixés sur Jake, elle hésitait. Quelle partie allait-elle prendre? Devenant toute rouge, elle dit. « Quoi? Vous n'étiez pour rien dans tout cela? Et les coups de feu? Vous pouviez m'atteindre, moi et M. Hammersmith? Hulda !» Il y avait de l'étonnement et du reproche dans la voix, et quelque chose de plus dans le regard. Le tout était très astucieux et dénotait des ressources insoupçonnées chez quelqu'un d'aspect habituellement insouciant et jovial. « Hulda, je vous avais vu sur le toit. Les flammes montaient. Je croyais que ni vous ni l'homme qui vous secourait ne pouviez vous échapper. Quelle chose plus affreuse que de mourir par le feu? Je vous aimais trop pour vous voir souffrir. Mon fusil était derrière la porte de la grange. Je l'ai pris, j'ai tiré, par pitié. » Elle haletait d'émotion. Quant au coroner et au shérif, ils étaient abasourdis par l'audace et le cynique à propos de Jake. « Jake, puis-je vous croire ? » murmura-t-elle. Pour toute réponse, il fouilla dans sa poche et en tira un petit objet. C'était une bague, un mince cercle d'or uni sans grande valeur, mais qui aux yeux de Hulda paraissait être d'un prix inestimable, car à peine l'eut-elle aperçu que son expression de colère fit place à un air de joie infinie. « Vous aviez acheté cela ?» Il sourit et remit la bague dans sa poche. « Pour vous ? » dit-il simplement. « Vous voyez ? » dit-elle à Hammersmith, « Jake n'avait pas de mauvaises intentions. Si vous voulez le laisser libre, je vous serai plus reconnaissante que lorsque vous m'avez sauvée. Nous comptons nous marier. » Ce fut le coroner qui répondit. « Nous le laisserons libre quand nous serons sûrs qu'il dit la vérité. Je crois qu'il vous trompe et que vous êtes très sotte d'avoir confiance en lui. Les hommes ne tirent jamais sur celles qu'ils aiment. Vous feriez mieux de me dire ce que vous lui reprochez à lui et à Kimby. » « Je ne suis qu'une pauvre servante, » marmonna-t-elle. « Je ne puis rien dire des actes horribles de ce Kimby. »« Horrible ? Vous les appelez horribles ?» s'écria le docteur Golden. « Il m'enfermait dans ma chambre, » déclara-t-elle avec violence. « Expliquez-vous, précisez. Ne regardez pas Jake, regardez-moi. Dites-moi tout d'abord, quel était votre travail à l'auberge ?»« Je faisais les chambres, certaines d'entre elles, » ajouta-t-elle avec circonspection. « Quelles chambres ? Celles du devant, de l'annexe ou bien les unes et les autres ?» Les chambres du devant, celles du troisième étage. Mais vous vous rendiez quelquefois dans l'annexe. N'êtes-vous jamais entré dans une des pièces donnant sur le corridor, au numéro 3, par exemple? Non, monsieur, mon travail ne m'y conduisait pas. Mais vous avez entendu parler de cette chambre? Oui, monsieur. Les femmes de chambre parlaient quelquefois. Elle avait mauvaise réputation et ne servait pas souvent. Aucune servante n'aimait à y aller. Un homme y était trouvé mort une fois. On disait qu'il s'était suicidé. « Avez-vous jamais entendu décrire cette pièce ? Non, monsieur. Avez-vous entendu parler du papier qui couvrait les murs ? Non, monsieur. Peut-être Jake pourrait-il fournir quelques détails intéressants sur ce papier ? Il est allé souvent dans cette chambre ? Le papier était bleu. Vous le savez, vous l'avez vous-même vu hier, jeta brusquement l'homme ainsi interpellé. Il a toujours été bleu? Vous ne vous souvenez pas d'un papier d'une autre couleur? Non, je ne suis d'ailleurs dans cette maison que depuis 10 ans. Oh, prétendez-vous que cette chambre n'a pas été retapissée depuis 10 ans? Je ne puis vraiment pas me rappeler à quelle époque toutes les pièces de l'auberge ont été retapissées. Vos souvenirs devraient être plus nets en ce qui concerne la chambre numéro 3. Pourquoi? À cause d'une circonstance bizarre qui la concerne. Mademoiselle Desmarets a parlé d'une chambre dont les murs étaient couverts d'un papier rosâtre. Oh, celle-là! Ce haussement d'épaule était très significatif. Hulda continua à regarder le sol. Mademoiselle Desmarets semblait sûre de ce qu'elle avançait, continua le coroner, d'un ton qui contrastait singulièrement avec celui qu'il avait pris la veille. Sa description était très nette. Il serait étrange que les murs de la chambre numéro 3 eussent été couverts autrefois avec un papier semblable à celui qu'il décrit. Jake eut un regard ironique suivi d'un sourire incrédule. Hulda resta muette et immobile. En est-il ainsi? Demanda le docteur Golden avec toute la véhémence de l'autorité sûre d'elle-même. Jake resta un instant silencieux, puis se mit à rire et répondit avec une insouciance apparente. « J'aimerais savoir qu'il en est ainsi. Je trouverais cela une très curieuse qu'incidence ou quelque chose d'approchant. »« L'homme le plus fort que je connaisse, » grommela le coroner déconcerté à l'oreille de Hammersmith comme celui-ci s'approchait. « Ou bien le plus bête. » Puis il ajouta tout haut. « Veuillez soulever mon pardessus, là, je vous prie. » Hammersmith obéit. Le vêtement en question avait été jeté sur une petite table et quand Hammersmith le soulevait, on put apercevoir plusieurs petits morceaux de plâtre que le docteur Golden montra à Jake. « Voyez-vous ces fragments ? » demanda-t-il. « Ils ont été arrachés au mur de la chambre numéro 3 entre le moment où l'incendie s'est déclaré et celui où M. Hammersmith s'est échappé de la pièce. Approchez-vous, mais ne touchez pas ces pièces à conviction. Vous voyez que la coïncidence dont vous parliez s'est produite. » Jake riait encore bruyamment, d'un ton de moquerie forcée. Puis il demeura silencieux, regardant avec curiosité les fragments placés devant lui. Sous le papier bleu, on en apercevait un autre, de nuances rosâtres, tout pareil à celui qu'avait décrit Mademoiselle Desmarets. « Eh bien vrai !» s'écria enfin Jake. « Celui qui a découvert ce papier, il faut qu'il en ait un œil. » Le coroner ne sembla pas apprécier cette tentative d'humour et, faisant signe à Hammersmith d'emmener Hulda, il soumit le garçon de l'auberge à un second interrogatoire. Bien qu'il fût plus minutieux et plus rigoureux que le premier, il ne conduisit qu'à une seule découverte, à savoir que malgré ses protestations, Jake ne se souciait guère de Hulda. Le coroner confia ceci à Hammersmith lorsque celui-ci rentra, désolé de son propre échec et n'ayant rien pu obtenir de plus de l'entêté servante. Il fut interrompu par un bruit de voix qui s'élevait au dehors. « C'est Quimby! C'est Quimby !» s'écria Hammersmith. Mais il se trompait, ce n'était pas Quimby. C'était sa femme, les yeux hagards, échevelés, et tenant la main un magnifique collier dont l'or et les brillants scintillaient sous les rayons du soleil matinal. « les diamants de Madame Thistlethwaite !» bredouilla l'hôtelière avec une insistance d'idiote. L'effet produit sur Jake fut stupéfiant. Jetant un cri, il tomba aux pieds de la femme. « Maman Quimby !» gémit-il. « Maman Quimby !» Et il cherche à lui prendre la main et à éveiller une lueur d'intelligence dans ses yeux. Pendant ce temps, le coroner et Hammersmith regardaient, surpris par ces manifestations d'un sentiment réel. Hulda, de la pièce voisine, dont la porte était entr'ouverte, considérait la scène, les lèvres tremblantes. « Jalouse !» murmura Hammersmith. « Elle est jalouse. Elle parlera maintenant. Voyez, elle nous fait signe. »« Parlez vite !» dit le coroner à Hulda. « Vous ne le regretterez certainement pas. Jake ne peut être le mari qu'il vous faut. Vous avez déjà vu, n'est-ce pas, ce papier à dessin rose ?» Et le coroner désignait les fragments de plâtre recouverts de lambeaux de papier flétri qu'Hammersmith avait détachés des murs de la chambre numéro 3. « Oui, » dit-elle, haletante, tout en jetant des regards perçants et jaloux sur son fiancé. « Il n'a jamais pleuré pour moi, » s'écria-t-elle avec amertume. « Je ne croyais pas qu'il fût capable de le faire pour qui que ce soit. Oh, je dirais, ce que j'ai gardé là !» Elle se frappa violemment la poitrine. « Je ne cacherai pas la vérité maintenant. Il a de l'affection pour cette vieille femme et il ne l'aime pas. « Entendez-le, l'appeler maman. Oh, je parlerai. Je ne sais rien au sujet de la mère de Mademoiselle Desmarets, mais je sais que la chambre numéro 3 a été retapissée en secret par Jake l'avant-dernière nuit. Je ne l'ai pas vue à l'ouvrage, personne ne l'a vue, mais voici comment je le sais. Il y a peu de temps, je cherchais quelque chose dans le grenier quand je butais contre des rouleaux de vieux papier de tenture entassés dans un coin. L'extrémité d'un des rouleaux était déchirée et je distinguais la couleur du papier. Il était bleu et rayé, comme celui qui recouvre maintenant les murs de la chambre numéro 3. Lorsqu'après la mort de Madame Desmarets, j'ai entendu une des servantes parler à la cuisine d'une chambre qui était devenue bleue, de rose qu'elle était peu de temps avant, je me glissais dans le grenier pour voir si le rouleau y était encore et n'en trouvais plus un seul. À ce moment, Hammersmith voulut retirer à Madame Quimby le collier qu'elle agitait dans ses mains de démente, mais elle protesta avec violence. « Elle a évidemment perdu l'esprit, à la suite des événements de cette nuit, » dit Hammersmith, « sans quoi elle ne s'accrocherait pas à ceux qui la désignent comme étant une voleuse. » Le mot sembla frapper Hulda. Elle regarda sa patronne que Jake s'efforçait de calmer et murmura d'une voix rauque. « Une voleuse. Elle serait une voleuse et cependant, il se montre plein d'affection pour elle. Moi, j'ai été condamné une fois pour une affaire moins sérieuse que cela. Et je croyais que c'était la raison pour laquelle il se détachait de moi. Oh, monsieur, il n'y a aucun doute pour le papier. La chambre était retapissée avec le papier bleu et... » Elle s'arrêta, en poussant un soupir de terreur. Jake la regardait fixement. « Oh, Jake !» dit-elle les larmes aux yeux. « Pourquoi m'avez-vous trompé? Pourquoi avez-vous prétendu m'aimer alors que vous ne m'aimiez pas ?» Il la regarda encore, puis tourna le dos. « Je vous ai parlé pour la dernière fois, » lui dit-il. Puis, l'air sombre, il demeura silencieux. Mais tout à coup, on vit faiblir l'audace de son regard. Une douleur simple et humaine y prit la place de la froide résolution. « Elle était comme une mère pour moi, » murmura-t-il. « Et maintenant, la voilà qui a perdu la raison. » Soudain, il leva la tête et dit au coroner. « Tout est fini pour moi. Plus de maison, plus de fiancée, plus de patronne. Elle, » et il n'y avait aucun doute à avoir sur la personne qu'il désignait, « elle est seule pour laquelle j'ai jamais eu de l'affection. Elle vient de se dénoncer comme voleuse. J'aime mieux tout dire. » Et voici ce que raconta Jake.